liberté, égalité, fraternité. Où êtes-vous? Réveillez-vous. Déjà souffle le vent de la misère qui met le peuple dans la rue. Liberté, égalité, fraternité, réveillez-vous. Déjà souffle le vent. Ô liberté, égalité, fraternité, réveillez-vous. Unissons-nous, mes frères, combattons la misère, ratelons les besoins charrues. Ô liberté, égalité, fraternité, réveillez-vous. Unissons-nous, mes sœurs, et gagnons chaque cœur, car il n'est indigne recrue. Artisans d'un monde nouveau, artisans d'un monde plus beau, nobles guerriers aux pieds et mains nues, allons vaillants, le temps est venu de nous reconnaître enfin et de nous donner les mains et d'aller sur les chemins chanter l'hymne au matin. Soldats de la paix, sans autre délai, allons sur le champ porter notre chant. Mieux que chant d'espoir, quand sonne le soir, c'est un chant de certitude, chanté par la multitude, c'est la vie qui nous revient, car la vie, on s'en souvient. Ô liberté, égalité, fraternité, où êtes-vous? Réveillez-vous, réveillons-nous. Bravo! Je crois que ça aurait été mieux sans le piano, hein, mais bon. Moi, je trouve ça très bien. Voilà. Il est arrivé une personne. Il est arrivé une personne qui s'appelle Martine. Ah, bah oui, qu'ils n'ont pas vu tout de suite. Ah, c'est voilà, qui a son micro fermé pour l'instant. Bonsoir, Martine. Voilà. Tout le monde s'était présenté. Ben, vous, je vous laisse vous présenter. Alors, c'est Pascal que j'ai rencontré tout à l'heure au Cercle de Silence qui m'a invitée. Ah. Je le connais depuis un certain temps, donc voilà. Et je me suis connectée quand j'ai pu. C'est bien. Donc, je ne sais pas, je me présente par rapport à quoi? Ben, c'est très bien, comme ça, c'était simplement pour une entrée en matière, voilà. Parfait, c'est parfait. Alors maintenant, on en est arrivé à un petit tour de table par rapport au thème de la soirée, le rôle actuel de l'art. Alors, je vais donner la parole maintenant à Sylvie Cros qui va nous dire, pour elle, en tant qu'artiste, quel est le rôle actuel de l'art. Ben, j'avais rien préparé. C'est très bien. C'était en même temps, ce qui m'est venu ou ce qui me vient, c'est j'ai mis des petits mots en vrac, voilà, juste tout à l'heure. C'est vraiment pour moi quelque chose qui permet de se partager, d'échanger, de rassembler aussi. Je suis quelqu'un qui passe beaucoup par le visuel, donc je parle de nourriture visuelle, mais ça peut être aussi sonore, d'autres sens, bien sûr. Pour moi, c'est quelque chose, l'art, qui permet l'expression, la créativité, et de faire passer des messages selon, oui, de l'expression des émotions, selon le vécu, le ressenti de chacun, etc. Et puis, je pense que pour moi, ça permet aussi la rêverie et l'évasion. Merci beaucoup, voilà. Sylvie. Voilà. Alors, on va faire le tour de table et puis après, les autres personnes pourront poser des questions si elles ont des questions à poser. Là, ben, je dirais, passons à... Allez, Olivier. Alors, quel est le rôle actuel de l'art? Le rôle actuel de l'art? Bon, oui. Je crois, si on parle vraiment d'actualité, je crois que l'art est destiné à montrer la voie nouvelle. Dans l'ancien monde, on travaille, et dans le nouveau, dans le monde nouveau, on fait de l'art. Voilà, c'est, je crois que c'est le sens de la vie, quoi. L'homme a toujours été artiste quand son activité n'est pas simplement tournée vers un profit matériel. D'accord. Merci. Olivier, as-tu encore quelque chose à dire? Non, je crois pas. Alors, on va passer si ça, comme là. Si ça convient, ça va? Pardon? Si ça vous convient, ça va? Écoute, on va continuer notre tour de table. Jean-Claude, le rôle actuel de l'art? Ben le rôle de l'art, il est ce qu'il a toujours été, mais il est d'autant plus d'actualité. C'est-à-dire que pour moi, l'art, ça sert à... C'est une ouverture vers quelque chose, vers des mondes qu'on ne connaît pas, parce qu'ils appartiennent à l'artiste. Voilà, bon, c'est vrai que c'est un mot qui a plusieurs sens parce que on dit facilement de quelqu'un qu'il a l'art d'énerver les autres, par exemple. Hein? Et donc là, c'est plus du savoir-faire ou voilà. Et il y a plein d'utilisations du mot art. Il y a les arts ménagers. Il y a l'art culinaire aussi. Donc, il faut bien être dans le champ de l'art qui est une recherche permanente de l'esthétisme ou du beau. Voilà, c'est ce sens-là, je pense, qui nous intéresse le plus. Mais c'est vrai qu'on l'a mis un petit peu à toutes les sauces. Et pour moi, c'est vraiment un outil d'ouverture des hommes, quoi. Vers des mondes inconnus, vers une façon de voir le monde. Merci beaucoup. Voilà. As-tu encore quelque chose à rajouter, Jean-Claude? Bien. C'est bon. On te remercie. On va passer la parole à Segundino, qui va nous dire le rôle actuel de l'art. Ah, si moi, l'art, il m'aide à me comprendre. Quand je peins, une fois que j'ai fini, je me comprends. L'art est dénonciateur aussi. L'art est un exutoire. Étant dénonciateur, j'y lis des choses qui viennent de mon psyché. Ça m'aide à me comprendre. Et puis, très intéressant. Embellir les choses aussi, embellir ou les enlaidir sur ce qu'on veut. Je pense qu'un artiste en général cherche à les embellir. Même un musicien cherchera à poétiser, à embellir ce qu'il dit dans sa chanson. Il fera un poème dans sa chanson qui est le but d'embellir. Que dire d'autre? Merci. Je crois qu'il y a Jean-Claude qui tout d'un coup, mais tu peux réfléchir, c'est coup de Nindo pendant ce temps-là. Il y a Jean-Claude qui a dit « Ah, j'ai oublié de dire quelque chose. » Je pense avoir entendu ça. Oui, non, mais c'est simplement comme c'est l'art actuellement, il y a un mot, un autre mot qu'on entend beaucoup qui est non essentiel. Et je pense que justement, l'art, il a cette place essentielle. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci. Aujourd'hui. Voilà, c'est très important, effectivement. Oui. Segundino, tu as quelque chose à rajouter? Je suis dans ce que dit... comment il s'appelle? Jean-Claude. Il dit que l'art est non essentiel, mais il est essentiel. Il était autrefois non essentiel. Ça dépend à quelle époque on vit. Mm. Mais il est depuis quelques époques, c'est vraiment ce qu'il dit, devenu essentiel. Surtout plus les années passent, plus on le verra aboutir dans toute construction par l'architecture, des architectures étonnantes, grandioses et étonnantes. L'art transforme le monde. Merci beaucoup, Segundino. Est-ce que quelqu'un a une question à poser ou quelqu'un a quelque chose à rajouter? Faites signe. Vincent. Oui. Vas-y. Tout simplement, en écoutant Jean-Claude, attends, j'ai mon micro là, oui. En écoutant, non, il marche pas, oui. Si, si, il marche, j'entends très bien. Je voyais pas. En écoutant Jean-Claude, je pensais que effectivement, il y a quelque chose d'essentiel dans l'art, effectivement. Et moi, je donnerai simplement deux ou trois citations d'auteurs qui me semblent définir l'art, ce que peut désigner l'art. Bon, deux petites phrases. Et j'ai vu quelquefois ce que l'homme a cru voir, Rimbaud. Voilà. C'est voir ce que quelquefois l'homme a cru voir. Saint-Exupéry, nous avons connu aux heures de miracle une certaine qualité des relations humaines. Là est pour nous la vérité. Et essentiel, essence, ciel. Platon. Finalement, on est comme dans les ombres, que l'art parfois exprime d'ailleurs. On est comme on vit dans un monde où on a quelques accès à ce ciel et on essaie de percer cette carapace de nos têtes, de nos cerveaux, de nos limites pour entrevoir effectivement quelque chose de plus absolu. Et c'est très intéressant de voir comment chacun individuellement s'approche de cet universel absolu. Voilà l'art de tout temps et de ce temps aussi. Essence, ciel. Voilà. Françoise, est-ce que tu pourrais nous donner ton avis également? Oui, moi, l'art pour moi, c'est une façon de se libérer, de s'évader, de m'exprimer aussi, pas seulement dans l'écriture, mais aussi dans la sculpture. Et de par là, de tout oublier. Et la liberté pour l'autre, quand il voit ses œuvres, d'interpréter aussi comme il le veut. Et souvent, des fois, il y a des gens qui étaient devant mes gravures et qui m'ont demandé « Mais qu'est-ce que tu voulais dire ?» Et je leur ai laissé la liberté d'interpréter ça comme ils veulent. Et voilà. C'est ça pour moi, l'art, le besoin de s'exprimer et voilà. Oui, je comprends. Merci beaucoup, Françoise. Est-ce que, Domi, est-ce que tu veux nous dire quelque chose? Alors, je me retrouve beaucoup dans tout ce qui a été dit sur l'art par rapport à l'essentiel ou l'essentiel. Je pratique, comme toi, l'artisanat thérapeutique. Toi, tu fais les deux. Et je m'y retrouve par rapport à la paix, par rapport à la méditation, etc. Et qu'est-ce que je serais sans ça? Eh bien, c'est une grande question. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Domi. Pour moi, personnellement, l'art est une thérapie. Donc, pour moi, l'art est une thérapie parce que ça anime mon âme. L'âme, c'est anima, c'est en grec, hein, c'est ce qui nous anime. Et rien que le fait de faire quelque chose qui m'enchante, qui me nourrit, pour moi, l'art est essentiel comme boire, manger, dormir. Voilà, au même titre. Segundino. J'ai entendu le mot rêve tout à l'heure. Je dirais le premièrement de ma raison de peindre, c'est que ça me fait rêver. En plus que ça me fait rêver, c'est que je rentre dans mon propre délire. Très intéressant. Comment dire, je suis athée, je ne crois pas beaucoup au monde intérieur, mais je dirais que l'âme, c'est le rêve, justement. Oui. Donc, j'atteins mon âme à travers un tableau. D'accord, ben, c'est très bien, merci beaucoup, Segundino. Et là, je vais demander à Mireille. L'art, le rôle actuel de l'art, et peut-être Pascal, Dieu sait, je ne sais pas. Voilà, l'un et l'autre. Si vous rouvriez votre micro, peut-être ce serait pas mal, ou bien est-ce qu'il n'est même pas éteint, je ne sais pas. Ah, voilà. Oui, là, on vous entend. Oui, donc Mireille, je commence. Moi, je suis d'accord avec la par rapport à la question de l'essentiel. En fait, j'ai le sentiment que l'art, c'est un accès direct à l'essentiel. En fait, permet un accès direct à l'essentiel en touchant la sensibilité de la personne. Je pense, moi, je me vois surtout en tant que spectateur, même si je dessine, je chante, j'écris un peu, mais en tout cas, en tant que spectateur, quand je vois un beau tableau, que j'entends une chanson qui me touche, ou que je lis un beau poème, c'est ma sensibilité, c'est mon cœur qui est touché, et donc c'est un accès direct et ça passe pas par le mental. Et donc du coup, ça me touche en profondeur dans ma sensibilité, voilà. Parce que aussi, je dirais, ça représente pour moi ce que je reçois, représente pour moi l'expression de la beauté, je dirais. Voilà, on retrouve l'idée de la beauté qui facilite évidemment tout ça. J'en profite pour dire que, pour excuser Marie-Michel et Jean-Luc, parce qu'ils ne pouvaient pas se connecter depuis Darnieul ce soir. Voilà, je voulais le dire. D'accord. D'accord. Oui, elle vient de m'envoyer un message. D'accord. Oui. Voilà. Et puis Mireille, alors, le rôle actuel de l'art. Eh bien, moi, j'aime bien tout ce qui est l'art et l'essentiel, parce que dans l'essentiel, on entend l'essence. Et donc, l'essence des gens qui produisent, l'art est bien sûr qu'il est essentiel, il fait partie de la vie du beau, dont on a besoin pour se nourrir et pour grandir encore. Et voilà, je ne sais pas trop vous dire, parler, mais voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Voilà. C'était pour que tout le monde prenne un peu la parole. Et on va demander aussi à Mickey, on va passer la parole à Mickey et qu'elle nous dise un peu ce qu'elle pense du rôle actuel de l'art. Oui. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que Mickey est une peintre exceptionnelle. Pour l'instant, on n'a encore pas réussi à faire une exposition ensemble. Mais ceci étant dit, pour situer un peu le paysage quand même. Bah, et moi, en plus, je suis art-thérapeute, donc pour moi, l'art, c'est vraiment essentiel. Je pourrais rajouter par rapport à tout ce que vous avez dit, l'importance justement dans mon métier d'art-thérapeute de partager... de partager le beau, de partager l'harmonie, parce que ça apporte une dimension, coalescence. Enfin, ça nous élève, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Et puis, actuellement, l'art, pour moi, ça apporte une élévation, justement. Des consciences, comme on a dit, comme ça touche les sens, et c'est voilà, ça peut, ça apporte une vérité, une... Pour moi, c'est un ingrédient, comme vous l'avez dit, quoi, essentiel pour qu'on se, pour un monde meilleur, voilà, pour un nouveau monde. Oui, on revient en boucle. Est-ce que Martine a quelque chose à nous dire par rapport au rôle de l'art? Non. Alors, pardon. Oui. Oui, je voulais simplement ajouter que c'est un langage universel. Et de par ce point-là, c'est quelque chose d'essentiel, effectivement, parce que c'est quelque chose qui a traversé des années depuis l'existence de l'homme, puisque même à la période préhistorique, l'art existait déjà. C'est un besoin de chacun de s'exprimer ailleurs que dans un quotidien de survie, en fait. C'est quelque chose qui apporte le plaisir d'écouter, de voir, et qui permet de partager le meilleur avec les autres. Voilà. Bon, bah merci beaucoup, Martine. Et j'ai vu qu'il y a Nina. Je ne sais pas si elle veut s'exprimer et nous dire le rôle actuel de l'art. Nina, voilà. Alors, Nina, on va la mettre en évidence. Voilà, Nina. Bonjour, merci d'être présente. Je suis arrivée un petit peu en retard, mais vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien, oui. Alors, la question, on est en train de faire un petit tour de table entre tout le monde, le rôle actuel de l'art, voilà. Oui, alors ce qui est très amusant, et en même temps, ça ne m'étonne pas qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je vais faire la synthèse de absolument ce que tout le monde a dit, en tout cas de ce que j'ai pu capter, et ça rejoint mais vraiment très bien tout ce que ma réflexion personnelle du moment. Donc, j'ai eu la réflexion personnelle du moment parce que je me dis, mais à quoi ça sert en fait tout ça? Est-ce que vraiment je continue? Qu'est-ce qu'on a à dire vraiment? Et je me suis rendu compte, un, que justement c'était dans cet état de crise que nous avions le plus besoin, mais surtout le devoir de s'exprimer. Et j'ai fait. Je rejoins l'essentiel. L'essentiel, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ce qui touchait les gens en recevant l'art, c'est l'émotion. Et l'émotion, c'est l'essence, justement, qui bouge d'une personne à une autre ou d'un lieu sur un objet. Et en fait, c'est ce mouvement invisible de Dieu, excusez-moi, je l'appelle comme ça, mais après vous pouvez mettre le mot que vous voulez, mais du divin et justement de l'harmonie subtile. Et nous, en fait, nous sommes justement les créateurs de cet espace pour donner cette possibilité de toucher les gens, de faire ce canal émotif pour faire passer ce message. Et je pense que voilà, que c'est pour ça que... Après, tout se rejoint. Les gens, l'énergie que ça procure. Voilà. Merci beaucoup, Nina, de cette synthèse et puis de ta participation, parce que Nina est aussi une artiste qui a le alors, aide-moi un petit peu, Nina, le cabinet de curiosité à Fontenoy. Non, mais je savais, hein, le cabinet de curiosité à Fontenoy-le-Château. C'est ça. Et voilà, et qui est à qui on pourrait effectivement aussi faire une petite exposition, parce que t'étais peut-être pas là au début. On a, je fais des expos virtuelles, puis on a fait des expos comme ça. Au début, il y a eu chansons, il y a eu tout un spectacle. Hein. Nous ont offert tout un spectacle, voilà. Donc voilà. Alors, eh bien, maintenant, moi, ce que je vous propose, et puis on reprendra après notre discussion, on fera ce qu'on appelle, on n'a pas les petits fours et les petits gâteaux en finale, mais on fera comme si. vous pourrez tous parler, voilà, ouvertement. Là, on a des petits textes qui vont nous être lus. On va commencer par Félicie. Oui, alors bonsoir. Alors, j'ai un petit texte, j'en sais rien, ça va être décousu parce que je ne l'ai pas écrit d'une façon conventionnelle et littéraire. Vas-y, Félicie. Des petits bouts de phrases, mais en fait, ça condense un peu tout ce que vous avez dit. Je l'ai écrit, j'aurais pu l'écrire après que vous ayez parlé, mais bon, je l'avais préparé avant. Donc voilà, donc moi j'étais un peu partie sur la place de l'art dans votre vie. Mais alors, l'art dans le rôle actuel de l'art. Alors bon, maintenant vous considérez que j'avais considéré que le thème était la place de l'art dans votre vie, parce que ça va être un peu perso. Donc maintenant, c'est un peu Culture Box, la chaîne La 19. L'art a toujours eu une place importante dans ma vie, mais comme tout le monde, tous les arts, il y a de l'art partout, même là où on ne le voit pas. Il y a la musique, la peinture, la bande dessinée, la poésie, la danse, le théâtre, la photo, l'opéra, la littérature, les polars. Il y en a même dans la science-fiction. La place de l'art dans ma vie, je dirais, c'est des choses comme que je trouvais jolies, et on est tous comme ça, on a tous nos beautés en nous. Une photo de Jane Birkin avec Gainsbourg jeune, des photos de Beethoven, de Rimbaud, de Jim Morrison. C'est important pour moi. Je trouve l'art, en fait, je trouve que l'art atteint son but quand il réunit tous les âges et toutes les époques. Et tous les peuples, etc. Moi, pour l'art, bon, ben, le principal, c'est la couleur. Donc, mes deux peintres préférés, c'est Klimt et Klee, parce que je trouve qu'ils utilisent une débauche, voire une orgie de couleurs. Mais alors, ce n'est pas l'orgie, c'est juste ni la débauche, c'est un degré en dessous, c'est plus vertueux. Mais ça pourrait s'appeler l'exaltation, parce que c'est une exaltation de couleur. Et chez beaucoup d'artistes, on trouve ça, notamment dans ce que vous avez présenté ce soir. C'est extrêmement émouvant, les toiles que vous avez présentées. Je pense à... Enfin, j'ai vu. Ça se retrouve aussi, cette exaltation dans la musique, comme par exemple avec Sia dans Chandelier. Leonard Cohen, je sais bien que Leonard Cohen a fait des valses. Attendez, mon téléphone. Oui, voilà. Alors, Félicie, on va passer la parole à Françoise, parce que là, ça me paraît très bien. Je te remercie infiniment. Et puis maintenant, on va passer la parole à Françoise pour quelque chose dont j'ai dû chercher la définition aujourd'hui, l'acrostiche. C'est Françoise, je te laisse remettre peut-être ton micro. Oui. Mon micro n'est pas mis. Si, mais... ça y est, vas-y. Voilà, alors l'acrostiche du soir. Donc, l'acrostiche, j'ai commencé comme ça, il n'y a pas longtemps, je ne savais pas encore ce que c'était. Et j'ai commencé et ça m'a plu. Et je ne sais pas, peut-être ça donne un cadre à ce que je veux dire. Et oui, entre-temps, j'aime bien faire des acrostiches, mais ça change aussi. Des fois, c'est des contes, des fois, ça dépend. Mais Très bien. En fait, la définition d'acrostiche, c'est un poème dont les initiales des vers, lus verticalement, composent un mot. Or, ça peut être différentes choses. Voilà. Mais c'est pas forcément des vers qui riment. Chez moi, ça rime. Bon, des fois, c'est un hasard. Mais ça ne doit pas être des vers qui riment. L'essentiel dans l'acrostiche, c'est que ce soit vertical, qu'on prenne n'importe quelle phrase et qu'on écrive ça en vertical et que chaque première ligne commence avec la première lettre et comme ça. D'accord, allez-y. On y va, Françoise. Pourquoi un acrostiche ? Oui. Ah bon ? Non, tu ne m'as pas dit que tu en lirais un ce soir. Si, si. Françoise, que d'émotion. Nous sommes dans l'émotion, l'art. Le rôle de l'art, faire vivre les émotions. Je ne sais pas si ça va vous émouvoir. Mais bon, ralentir pour vivre mieux. C'est le titre de l'acrostiche, c'est-à-dire j'ai écrit ça à la verticale. Ralentir pour vivre mieux. Ah, quel beau rêve à réaliser. Lentement rétrograder et passer à la vitesse inférieure. Nul besoin de vivre à 100 à l'heure. Tandis que beaucoup d'autres accélèrent, ici, il devient urgent de ralentir. Rapidement résister et réagir pour mieux respirer. Passage difficile, exigeant plein de patience. Oui, il faut opter pour une méthode offensive. Un but à se fixer à tout prix, réfléchir à comment prendre un autre rythme. Virer de bord lentement, mais sûrement, infiniment intéressé par un changement radical. Vouloir une autre vie, plus paisible et plus calme. Réserver un rendez-vous pour une lente vaccination et pouvoir enfin revivre une nouvelle vie au ralenti. Mais cette pandémie a peut-être eu du bon. Il nous a fallu ralentir, qu'on le veuille ou non. Elle a mis un frein à toutes nos activités. Elle est unique dans l'art de développer ces vagues successives. X années seront nécessaires pour les oublier. Merci Françoise pour cet acrostiche. Oui. Voilà, je vais passer la parole à Sylvie qui est là, qui a un petit texte à nous lire. Voilà. Moi, je voulais vous dire, je n'écris pas souvent et je partage pour la première fois des mots que j'ai écrits. Voilà. Et je voulais dire à Françoise que les acrostiches, je connais depuis des années et ponctuellement, je l'utilisais spontanément. Pour des cartes d'anniversaire, je mettais le prénom de la personne et je trouvais des phrases en lien avec cette personne. Et souvent, j'ai adoré faire ça. Voilà, donc je connais un peu le principe. Et ceux qui le reçoivent adorent ça aussi. Ça fait plaisir, c'est vrai, pour un anniversaire. Voilà, et de jouer avec les mots. Et depuis une année à peu près aussi, je me suis remis un peu à écouter de la musique, etc. Et écouter des paroles, des textes, chose que je faisais moins avant. Et j'aime beaucoup aussi jouer avec les rimes. Alors, je ne vais pas vous en lire un, mais j'ai fait un rime, deux pages, en lien avec une histoire avec un jeune homme. Et pour passer le message, en fait, j'ai fait des rimes en « anse ». Mais bon, et après, il y a quelques semaines, j'ai écrit en 5 minutes un texte. Et l'autre, je l'ai écrit en 10 minutes. Donc, bref, voilà. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas de titre. Mais ça pourrait être « Ma vie en couleur » ou « Sur l'écran noir de ma vie pleine de déboires ». J'ai toujours gardé l'espoir d'un petit quelque chose à croire. Sur l'écran blanc de ma vie remplie d'amants, j'ai toujours cherché le calmant pour partager de doux moments. Sur l'écran rouge de ma vie, de ma vie tout en couleur, il y a toujours un truc qui bouge pour me remplir de bonheur. Sur l'écran rose de ma vie en prose, il y a des histoires closes et un tas de nouvelles choses. Sur l'écran vert de ma vie à l'envers, j'ai tout donné à l'univers et toujours voulu voler en l'air. Sur l'écran bleu de ma vie avec eux, j'ai survolé les cieux pour tous les rendre heureux. Et sur l'écran de mes nuits blanches, il va falloir que je débranche sans me faire mal aux hanches. Sinon, je vais rester sur la planche. Voilà. Bravo! Joli. Voilà. Alors, je vous propose maintenant une petite minute décalée avec Christophe qui est, à mon sens, le spécialiste de la métaphore au premier, au deuxième, voire au huitième degré. Et voilà. Puis, on terminera ensuite avec un petit conte soufi de Mireille et ensuite, on pourra faire une verrée imaginaire, voilà, ensemble. Alors j'ai pas trop fait métaphorique, j'ai fait la continuité des spectateurs, de tous les gens, spectateurs entre eux, hein, nous sommes spectateurs entre nous, Mais c'est passionnant d'avoir des genres littéraires différents, des époques musicales différentes. Donc j'essaie de retranscrire ça dans quelques lignes. Alors ça va donner ça, par exemple, Jean-Claude démarre la soirée en fait en nous disant, en chantant « Les gens courent ». Alors pour, alors nous on court pour en avoir encore. Alors il nous dit que l'essentiel sous le ciel éclaire de sa lanterne, je dirais une rythmique académie passionnante et dynamique. Olivier qui de sa litanie de Satan de Baudelaire entre paradis et des œuvres tues accorde juste cieux. Secundino, le rêve de l'homme, une fée dans le mouvement. Auriel, notre ami belge, ancienne psychologue. Silence en danse, retour de l'enfance, jusque dans ses chaussettes. Silence en danse, direct vers l'essentiel, danser est essentiel. J'ai trouvé ça passionnant que danser soit essentiel. Jean-Claude nous revient, je dirais le poète, dont le son et sa rage reflète un meilleur message, où tout se prête, musique, reflet de lune, transpire sous sa prairie, le doux voyage à sa comédie, un chant clair sous le haut des étages, le frère, la page, comme aux étages. Sylvie, en Alsace, Dordogne, retour et art dans la rue du cabinet en expo, Sylvie, on dirait que c'est Sylvie Bouquet. Oh, moi, je connaissais Carole Bouquet, mais là, on a Sylvie Bouquet. Eh bien, on expose Sylvie, l'art de la nature morte. Une Mona Lisa au crayon. Elle utilise le fusain, l'acrylique, l'huile, le crayon. Ben, tout y passe, je trouve ça merveilleux. Donc, j'ai dit félicitations pour la variété de la créativité. Olivier au piano, le retour, le roman à fleur de peau. Un souffle, une émotion qui se pose dans l'eau, chante alluvion. Je lui dis ça comme ça, Olivier, hein. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Nous avons une seconde page de Maddy Besson. Maddy Besson qui nous dit « Le rêve des paysages colorés, livre S de recueil associé, hétéroclite acoustique sympathique ». Jean-Claude, nous revoilà, ta malou, le refrain qui nous soignera, même le pied de taper dans ses mains. Le chant des artisans d'un monde nouveau pour Olivier, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais oui, réveillons-nous, unissons-nous, mais oui, tout à fait. Alors que Martine est arrivée. Ah, alors là, Martine, on a peu trop le temps de la voir, mais on a une petite... Une petite parole à lui soumettre. Alors, on a Secundino, on a Félicie, le rôle, l'art, l'actuel. Alors, on a lu ça. Et nous avons maintenant le retour des arts mélangés, parce que nous, on appelle ça les arts mélangés, et là, vous savez. Eh bien, moi, c'est là exactement où j'en suis. Ah oui, alors, le résumé de ce que vous nous avez dit en rôle actuel de l'art, ça vous dit? Oui. Alors, Sylvie nous dit « Partager, échanger, la nourriture visuelle, la créativité, le message, l'émotion, la rêverie, l'évasion. » Tout de même. Ouais. Olivier nous dit « L'art et la créativité », mais il nous dit des choses bien plus spirituelles qu'il fallait saisir au moment où il les a dites. L'ouverture des mondes de l'artiste chez Jean-Claude. La façon de voir les mondes, la place essentielle à l'art. Secundino de se comprendre lui-même. Il écrit, c'est de l'expressionnisme chez Secundino. Il était à la recherche d'embellir. C'est une belle recherche. Très belle recherche. Vincent nous dit quelque chose d'essentiel dans l'art, comme Rimbaud chez Saint-Ex ou Platon. L'art, l'accès au ciel, quelque chose d'un flux vers l'absolu. Françoise nous dit s'évader, se libérer. Dominique nous dit interpréter comme on veut. L'amitié, la sœur, nous dit Catherine. Catherine nous dit également « L'art est une thérapie ». Mireille nous dit « L'art est l'essentiel, le beau ». Le professeur, le beau et l'émotion dans l'art. Mickey nous dit l'art thérapeute qu'elle est pour un monde meilleur. Alors la félicitation, on en redemande. Martine, pour un mouvement perpétuel, partager le meilleur. Pareil, vraiment super. Et Nina, alors la enchantrice de demain, de toujours et de l'éternel. De son visage enrobé vers une fée qu'on soulignait pas encore assez, nous dit l'énergie, moment, curiosité. Alors là, on est dans l'ivresse. Et puis Félicie, à la fin, ben, elle nous dit la poésie dans l'art, elle, comme une Félicie. Françoise, elle nous dit acrostiche, le changement, la vie, nonchalamment. Et puis Sylvie, ma vie couleur, ma vie douceur me remplit de bonheur comme en plancher. Merci beaucoup Christophe. C'est une bonne minute décalée, moi je trouve. Voilà, et c'est tout à fait bien. Et on va terminer par un petit... Oui, Vincent, vas-y. J'avais un petit... Non, alors... mais après on continuera à parler, hein. Ah oui, oui. Bon, d'accord. Ah, je croyais que c'était... Voilà. Ah non, non, non, non, non, non, non, non. Maintenant, on va avoir un petit poème soufi qui va être raconté par Mireille. Voilà. Je vais vous raconter l'histoire de Nasreddin. Nasreddin, un personnage mythologique du XIIIe siècle, il aurait existé. Il est connu dans les Balkans jusqu'en Mongolie. Et Nasreddin, c'est un personnage, c'est un bouffon, mais c'est un homme qui enseigne, c'est un sage, c'est un fou. Et ce jour-là, Nasreddin, alors qu'il marche dans la rue, il rencontre la peste et il lui dit « Hé, tu vas où ?» Et la peste, elle lui dit « Moi, je vais à Bagdad, je vais tuer 10 000 morts. » Alors, la peste passe et le temps passe aussi. Et quand Nasreddin la rencontre à nouveau, il lui dit « Dis donc, la peste, tu m'as menti, tu m'avais dit que tu avais tué 10 000, que tu tuerais 10 000 morts, et en fait, il y a 100 000 morts qui sont morts. Il y a 100 000 morts, il y a 100 000 personnes qui sont mortes. » Alors la peste, elle regarde Nasreddin et elle lui dit « Mais je ne t'ai pas menti, j'ai vraiment tué 10 000 morts, et les autres, ils sont morts de peur. » Bravo, j'aime beaucoup cette finale et les autres sont morts de peur. Je trouve que dans les circonstances dans lesquelles on vit, on est vraiment un peu dans ce système. Voilà. Les petits personnages, c'est parce qu'en fait, Catherine a dit que je faisais du théâtre de papier, donc effectivement, je dessine des histoires et ces deux-là, eh ben, ils sont habillés comme au 12e siècle, c'est des copains à l'Australie. Voilà. C'est gentil. Merci beaucoup, Mireille. Voilà. Alors maintenant, j'ouvre l'apéro virtuel. Hein. Moi, j'ai une tisane, chacun ce qu'il veut. Et puis, on peut échanger. Voilà. La soirée étant ce qu'elle est, comme les soirées en présentiel. Après, on se retrouve autour d'un bar ou de quelque chose, ou en tout cas, voilà. Donc, ceux qui ont envie de parler, de s'exprimer. Ah, on a deux nouveaux. Voilà, maintenant on a Odile, on a la photo, mais on n'a toujours pas le micro. Et puis Jean-Luc et Marie-Michel qui ont dû se présenter aussi, qui sont là, mais voilà, qui arrivent pour la fin. Voilà. Alors, je vous laisse discuter entre vous, Vincent. Vas-y, démarre la discussion. C'est simplement une conclusion de la conclusion de Christophe, un résumé du résumé. Et bon, c'est très court. Agora, Angora. Sa plume de lumière, vitrail de cris dans les bondissements du vif. Riez, les ondes qui s'entrecroisent, doigts levés vers le soleil de l'âme. Voilà. Moi, j'ai envie de demander à Jean-Claude qui nous gratte un tout petit peu la guitare, question de nous mettre dans la joie. Jean-Claude. Je ne sais pas si je vais vous mettre dans la joie, moi. Trouve-nous quelque chose pour nous mettre dans la joie et Olivier, après, nous mettra un peu de musique. Comme dans les apéritifs, on a une petite musique douce et agréable, voilà. Jean-Claude, vas-y, démarre. Oui, attends, je regarde. Vous pouvez échanger par rapport à la soirée. Alors moi, je vous remercie vraiment tous infiniment parce que c'était vraiment une très belle soirée. Je trouve que c'est très enrichissant tout ce qu'on a entendu. Et puis voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, moi. Moi, j'ai envie de dire que je trouve ça très, très bien. Mais il y a juste quelque chose qui m'embête, c'est que d'habitude, j'écoute aussi avec mon corps. Et là, avec l'écran, c'est coupé, quoi. Et c'est terrible. Et en même temps, c'est bien de voir ce que chacun... J'allais te dire, Mireille, le mieux étant l'ennemi du bien, je dirais que c'est déjà bien. Et il vaut mieux aimer ce qu'on a que vouloir ce qu'on aime. Je peux dire une chose en dernier. Oui. Je peux dire qu'en fait, c'est pas si... moi aussi j'aime mieux les présentiels. Mais c'est pas si idiot. De toute façon, l'art, c'est l'harmonie, comme on a dit. Et de toute façon, l'art, c'est aussi être receveur, être spectateur. Voir les autres, ce qu'ils font par rapport à soi, évoluer selon des artistes qui ont déjà existé, etc. Donc, on est receveur en ce moment. Et on va recevoir là maintenant la chanson de Jean-Claude. Merci Félicie. Merci beaucoup. Moi, j'ai rien à l'écran là. T'as rien à l'écran? Non, j'ai marqué Catherine Spitz. Bon, voilà, j'arrive. Ben voilà. Domi aussi a disparu. Jean-Luc, mais on n'y voit pas, voilà. Je vais vous faire une chanson sur un thème qui me tient à cœur. Ça s'appelle Jardin de Cocagne. Ah oui. Vous connaissez? Oui. Oui, très bien. Oui. C'est bon. En faisant le choix de cultiver nos légumes, on n'a pas pris le chemin qui conduit à la fortune, mais on s'en fout, car les saisons nous font à chaque fois plus riches de tous ceux qui dormaient au plus profond de nos friches. La vie comme la terre se nourrit et sans semences, et chacun à son gré fera mûrir son existence. On n'a pas l'intention de déplacer des montagnes, mais simplement de respecter comme il se doit la terre, la vie, l'homme. C'est au fil des saisons dans les jardins de Cocagne que l'on apprend à cultiver tout à la fois la terre, la vie, l'homme. Unissant leurs vertus, la terre, l'eau, l'air et le soleil, font jaillir des forêts, des jardins, des fruits, des merveilles. Cette énergie intarissable, c'est toute leur vie qui danse pour célébrer sans fin la beauté de la différence. L'image est trop belle pour que l'on passe à côté, sans sentir frémir sous nos ailes comme un vent de fraternité. On n'a pas l'intention de lui placer des montagnes, mais simplement de respecter comme il se doit la terre, la vie, l'homme. C'est au fil des saisons, dans les jardins de Cocagne, que l'on essaie de cultiver tout à la fois la terre, la vie, l'homme. La terre, la vie, l'homme. Bravo! Bravo! Merci, merci. Voilà, qui est-ce qui veut rajouter quelque chose encore ou parler? Vas-y. Alors, Olivier, je ne sais pas, on avait des coupures de son, mais ça semblait Chopin. C'était, ah bon, il y a eu même une valse aussi, la danse, l'artiste qui a parlé de danse, danser c'est essentiel. Il me semble que c'est une valse. Et j'ai une affection particulière pour la danse là. Mais c'est fou, l'art, ça, c'est pour ça l'art, c'est tout. C'est des valses de Leonard Cohen des années 60, de Strauss dans les années 1800. Chopin, c'est En fait, l'art, il est partout. On peut cultiver son jardin. Ben, y a de l'art là-dedans. Chez soi, on a mis le frigo comme ça en face du mur là. Ben, c'est de l'art aussi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je partage totalement ton avis, Félicie. Oui, l'art est partout. Eh ben, on va peut-être donner la parole à Odile qui est venue un peu tardivement. Le rôle actuel de l'art. Nous évader, nous donner de l'évasion et nous sortir un peu de la noirceur ambiante. D'accord. Tu m'as entendu ? Oui, on t'entend. Je ne sais pas les autres comment ils entendent. Oui, oui, on entend. Voilà. Et faire de la résistance. Ça nous aide à être en résistance, l'art. Oui, je pense. Moi, je pense pour moi que c'est pour ça que je ne suis pas une adepte 100% du virtuel, parce que vous voyez, des fois, ça coupe, ça hache, ça peut être un peu différent. Mais c'est mieux que rien. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est mieux que rien. Tâchons de nous adapter, on va dire ça comme ça. En tout cas, moi, ce soir, je vous remercie tous infiniment parce que ça faisait un chouette spectacle. Donc... C'est vrai qu'aussi, pendant le confinement, il y a la lecture qui permet de rêver, de s'évader. Il y a la télé qui passe du bon cinéma aussi. Il ne faut pas jeter la télé à la poubelle non plus. Il y a la musique, on peut écouter chez soi, il y a ce qu'on fait nous. Ça nous permet de résister à la routine, on deviendrait complètement fou. C'est vrai. Moi, ce que je propose là pour les petits moments qui nous restent, c'est de faire un petit tour de table, un petit tour des gens qui sont ici. Alors, je dirais par exemple Nina. On est confinés, mais on n'est pas confinés. On prépare l'ouverture d'un nouveau lieu. Donc on va, on prépare des choses. En fait, on prépare des choses en actif et je sais pas quoi dire. Ça fait quand même du bien de voir des gens. Voilà, c'est ça. Je voulais demander à Sylvie parce que je lui avais envoyé un message, mais est-ce que c'était croisé à un événement de musée du bleu de Catherine Dutruche? Non. Voilà. Je passerai à Fontenoy le château. Ouais, bah oui, parce qu'on prévoit des choses là quand même pour le printemps et pour l'été. Voilà. Maintenant, je sais pas, donnons la parole à Sylvie. Est-ce que tu as quelque chose là après en finale de soirée, voilà, en conclusion. Bah, moi, je te dis bravo pour cette première agora, parce qu'en plus, je ne me rappelais pas la définition. Je suis vite allée voir dans le Nico en attendant. Donc, c'est une place publique dans la Grèce antique, une sorte de forum. Voilà. Voilà. On m'a remis ça en tête. Et la ville où j'habitais en Dordogne pendant 22 ans, à Périgueux, il y a un centre culturel qui s'appelle l'Agora, justement, et qui est connu et dirigé par un directeur extraordinaire. Voilà, donc ça m'a fait un petit lien avec l'Agora. Et sinon, ce que je voulais encore dire, bravo, il y en aura trois, parce que jamais 203, à toi. Oh mon Dieu. Bravo pour la gestion du temps, pour la gestion du passage de parole, parce que j'ai assisté à pas mal de réunions Zoom ou de choses dans ma vie comme ça. Et c'est vraiment un rôle qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Et c'est tellement important. Et je trouve que c'était juste parfait, vraiment. Et le troisième bravo, bah merci de nous avoir tous rassemblés, de nous avoir permis de faire de nouvelles connaissances, virtuellement pour le moment, mais voilà. Le but est là, le but est de créer des liens, voilà, de continuer. Bah, moi, je te remercie infiniment, je me sens, voilà, c'est vraiment du très coup, gentil. J'ai en tête, si tu le mets en place régulièrement, je sais pas, moi, même une fois par mois ou une fois tous les deux mois. Du coup, j'ai deux personnes potentielles que je peux inviter, mais ça ouvre à d'autres régions de France. Voilà, mais ça peut être super. L'idée étant que la prochaine agora, par exemple, sera une agora philosophique avec une question. On met toujours un thème, et puis ben, là-dedans, on fait des expos. Il y a Félicie qui m'a proposé de faire une expo photo avec elle. Peut-être que je peux faire quelque chose avec Nina. Si elle m'envoie des photos, je peux lui faire une expo virtuelle avec d'autres. Voilà, il faut ouvrir. Voilà, moi je suis pour l'ouverture. Hein, voilà, c'est donc l'idée, elle est de changer un petit peu à chaque fois, mais à chaque fois avoir un thème. Ok. Et juste dans tout ce qui a été dit sur l'art, il y a le mot aussi que j'aimerais dire parce que c'est un parcours pour moi. C'est en fait, ça fait appel au ressenti de chacun et justement d'être. J'ai été coupée de mes ressentis et du coup d'ouvrir. Cette conscience quand on voit quelque chose de beau, c'est ça nourrit quoi, et c'est le ressenti physique. Et souvent on n'en parle pas, on ne met pas le mot, et voilà, je voulais juste préciser que le ressenti est propre à chacun et en même temps il est important quel qu'il soit. Voilà. Essentiel. Merci beaucoup Sylvie. Ben maintenant je vais laisser Vincent nous faire un petit mot. Où est-ce qu'il est passé Vincent? Ah voilà, il est là. Je suis là. Vincent et Christophe nous dire un petit mot de la fin. Ah, si on veut, de la fin, pas couper. Bon, moi, d'une part, j'étais content de voir un certain nombre d'artistes dès que je connais bien, on va dire, des chanteurs. Hein. Dès que je retrouve, que depuis des années, par exemple, Mireille, j'ai un que j'ai vu il y a longtemps à la Bresse, je crois, que j'avais pas trop revu depuis. Il me semble que c'était à la Bresse, Mireille, dans un... Je ne me rappelle plus. Enfin, on n'entend pas bien Mireille, hein. Je crois que c'était à Saussure ou à Vanier au bateau libre. Bon, c'est peut-être, ou une autre fois. Bon, c'était il y a quelques années, il y a une paire d'années quand même. Voilà. Et puis Nina, avec qui j'ai revu dans les fonctions de château, hein, et puis qu'on reverra sûrement. Et puis, dont j'ai lu par exemple aujourd'hui sur Facebook un bon texte que j'avais envie de reprendre si elle permet, de toute façon. Facebook, c'est public, parce que bon. Oui, je pars du principe que tout ce que je mets sur Facebook, ça passe dans le domaine. Donc, c'est sur le blog de l'Union des écrivains vosgiens, lesécrivains.canalblog.com, ou d'ailleurs, Maddy Besson. Par contre, j'ai pas vérifié s'il y a des fautes d'orthographe. Ouais, donc, si, y a des bienvenue fautes. Au club, Nina. Moi, je suis comme toi, c'est une catastrophe chez moi. Alors, donc, effectivement, s'il y avait une photo. Et j'ai envie de le publier. Ah, par contre, la photo, elle n'est pas de moi, il faut l'accréditer. Ah bon, il faut l'accréditer. Ah bon, voilà. Tu sais, j'ai marqué crédit photo, c'est un artiste. Ah bon, écoute, on verra. Non, mais c'est juste pour eux. Si jamais blog. Tu mets la photo, je te dis juste. Ouais. Ça. Mais non, on passe souvent à travers, voilà. Donc, il y a un blog, Catherine s'y exprime aussi, à travers les expressions de ralentir pour vivre, puis les autres, les saluent largement. Puis en plus, normalement, on passe aussi des extraits de ce qui se passe là, ou une bonne partie ou totalité, ça dépend le son comme ça donnera, sur Radio Gémozo, où je fais une émission régulière, entre autres. Et j'ai peut-être oublié personne dans les petits carrés, mais il y a personne que j'ai entrevu ou que j'ai entrevu dans les marches diverses qui se déroulent en ce moment, hein, à Épinal ou surtout à Épinal. Il y en a une dimanche, normalement, qui tient toujours, hein, même si c'est moins évident dans cette période de restriction. Je suis d'accord, voilà. Une dérogation. Voilà, ce que j'avais à dire. Voilà. Alors, oui, Christophe, vas-y, Christophe. Oui, j'ai l'occasion d'écrire cette semaine que le théâtre du sourire encercle un visage, même une ombre. Eh bien, c'est ce que nous avons vécu. N'oublions pas de sourire, parce que ça va nous permettre de prolonger la longévité. D'accord avec toi. On a remarqué aux États-Unis qu'en souriant, oui. Régulièrement, même du peu qu'on souriait, on progressait dans la longévité. Alors, si vous voulez vivre à 100 ans, n'hésitez pas. Voilà. Ça fait moins de rides. En fait, tu te fais moins de plis quand tu souris que quand tu tires la gueule. Les rides du sourire, voilà. Oui. Puis j'oubliais François qui était dans son coin de l'acrostiche. Alors, il y en a un qui attend sur le blog en attente d'être publié. Il y en a plusieurs même. Oui, il faudra me l'envoyer d'ailleurs, Françoise. Pour mettre avec ça, oui. Alors, qui est-ce qu'on va... Parce que là, je suis en train de toc-toc. Tiens, on va passer à Olivier. Oui, écoute, Ce que je vais dire, je te remercie déjà à toi pour cette initiative de nous rassembler. Et puis, j'ai été agréablement surpris de découvrir des tas de talents que je ne connaissais pas. Et voilà ce qui prouve que... C'est important de se retrouver. L'humain est riche si... Si on cherche un petit peu à le découvrir. Oui, et c'est important de se retrouver. Ça, je suis d'accord avec toi. Merci. Jean-Claude. Eh bien, merci pour ce coin rouge virtuel. Oui. Parce que, voilà, ça fait du bien de découvrir des gens et puis de revoir des gens qu'on connaît aussi, etc. Et c'est vrai que ça met du baume au cœur. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas se laisser bouffer par ce confinement. Ça. Il faut continuer à vivre le plus intensément possible et ne pas hésiter même à désobéir. Voilà. Donc, c'est très important. Oui. Je suis tout à fait d'accord. Merci, Jean-Claude. Je te rejoins parfaitement. Alors, Vincent, Sylvie, Olivier, Nina, vas-y, Nina. J'en profite pour passer une annonce, en fait, parce que je recherche une personne. Alors, peut-être que, du coup, vous pourrez m'aider. Il y a eu un spectacle à Tatou La Vida il y a quelques années, mais ça fait déjà remonte quand même déjà quelques temps. C'était quelqu'un qui avait fait un spectacle avec des planètes. Il avait fait tout un truc avec tout le champ lexical et tout, c'était autour des planètes et ça ne me dit rien. C'était sur la scène. Non, ça ne me dit rien. C'était pas girafe, mais c'était. Ou alors il faut que j'appelle Tatou La Vida pour. C'était girafe. Bon, c'est pas grave. Bon, je te remercie beaucoup, Nina. On fera tourner en tout cas l'histoire, là on verra. Peut-être que quelqu'un te recontactera en te disant... Donc, le cabinet des curiosités à Fontenoy-le-Château. Voilà. Alors, maintenant, on va entendre Segundino et Félicie. Peut-être Segundino en premier, Félicie. Hein. Donc, je t'embête, Félicie. Moi, je trouve que des rencontres comme ça, en plus de l'art, ça reste de l'art. Vu qu'on est entre artistes... Oui. Il peut certainement en être quelque chose. Et je pense que c'est comme papa. Ah. Pardon, qu'est-ce qui se passe? Vas-y, vas-y, c'est bon. Donc, d'autres. J'ai été content moi-même de passer un moment agréable avec tout le monde. J'ai pas retenu tous les noms. J'ai été content de voir tous les artistes qui sont et qu'ils excellent dans leur art. Que dire d'autre? Comme dirait, je ne sais plus, Nina ou Olivier, Jean-Claude, il ne faut pas se laisser bouffer par le Covid, par le confinement. Et ça, c'est une façon de contourner le confinement. C'est une bonne chose. Effectivement, Segundino, c'est une façon de faire, on va dire, avec ce qu'on a, plutôt que de s'entêter à s'épuiser, à se terrainter, à dire que ce n'est pas comme on voudrait. Enfin, oui, en attendant, c'est mieux que rien, on va dire ça comme ça. Vas-y, Philippe. À midi, j'ai vu sur Culture Box, il parlait de spectacle poétique plutôt que militantiste. Et je trouve que c'est beaucoup plus aborder les choses. Encore une fois, on est confiné, mais il y a du bon cinéma à la télé sur certaines chaînes. On peut lire, on peut jouer d'un instrument. Les enfants, on peut leur apprendre un instrument, leur faire lire des choses. Nous, on fait des visios. Pour finir, je voudrais dire que j'étais bluffée par tous les artistes qui sont présentés ce soir parce qu'ils ont tous... je dis ça avec le recul, moi, je ne suis plus artiste. Hein. Mais avec le recul, j'ai vu qu'ils avaient tous leur univers, ce qu'on peut appeler un style. Et au sein de leur univers, ils ont des tableaux qui ont chacun leur caractère. Donc, c'est si important. Avec leur recul, ils ont le style et ils ont les caractères. Et c'est très important qu'il y ait les deux qui soient mis ensemble. C'est une complétude pour moi de l'artiste. Mais c'est tout à fait ce que ça représente, parce que l'artiste, c'est l'âme, c'est l'anima, ce qui l'anime. Donc, ça le représente, effectivement. Segundino nous avait dit un peu ça. C'est-à-dire, tout d'un coup, on se découvre presque avec ces instruments, on va dire, artistiques, sous une autre dimension qu'on ne se connaissait pas. Voilà, Françoise va prendre la parole et nous dire un petit mot de soirée. Vas-y. Oui, je suis très ravie de ma soirée, d'avoir entendu parler français, pas vraiment les Français, et de pouvoir m'évader un peu de mon Allemagne où je suis vraiment confinée et où je me demande si je pourrais un jour retourner en France. Mais bon, il faut avoir de la patience. Oui, de la patience et du courage et de la persévérance. Oui, tout à la fois, c'est vrai. Merci Françoise. Merci. Là, je vais donner la parole à Mireille et à Pascal. Plus fort. Merci pour cette belle soirée. Voilà. Ah, ben oui. Voilà. Je n'arrive pas à voir mon ampleur physique. Je suis handicapée, moi, avec l'ordinateur. Mais voilà. Mais on accepte les handicapés, Mireille. C'est ça qui est beau. C'est très bien d'accepter les handicapés. Merci. On les accepte dans toute leur splendeur, avec toute une joie autour. Et bon, tu sais, moi, je suis handicapée en orthographe. Hein, donc, on est handicapés chacun en quelque chose. Hein, simplement, une petite anecdote. Handicap, oui. Le mot handicap, l'étymologie du mot handicap. Moi, c'est un prof de sciences sociales qui me l'a dit, mais ça m'a marqué. C'est « hand in the cap ». Et donc, au XVIIe siècle, ceux qui couraient, celui qui allait plus vite, il devait courir ensuite avec la main. Non. On n'a pas entendu. Voilà. Ça s'est coupé. Voilà. Ah. Enfin, moi, j'en profite pour dire que je suis handicapé à l'infini. Voilà. Allez. Voilà. Je ne sais pas si ça a bloqué ou si on a entendu, mais bon, voilà. Handicap, c'est hand in the cap. C'est donc les gens qui sont meilleurs que les autres et en fait, on les ralentit avec quelque chose. Voilà. Ah, voilà, c'est ça l'ordinateur. Voilà. Et on va écouter Mickey avec micro, ça sera mieux. C'est bon. Avec micro. Bah, merci beaucoup à vous. Et puis, bah, cette histoire de handicap, là, ça me parle bien. Ouais. Moi qui suis avec des personnes très dépendantes et que je trouve merveilleuses. Merci à tous pour votre... Merci à toi pour ta présence. On va entendre Domi, notre secrétaire d'association qui est dans une belle lumière orange. Merci à tous. Je savais que ce serait une belle soirée et c'est encore plus beau que ça. C'est gentil. Merci, Domi. Voilà. Et il reste... Ah ben, je voulais donner la parole à Odile, mais Odile s'est sauvée. Bon, ben tant pis, voilà. Comment ? Ah, Pascal n'a rien dit. Alors, on remet Pascal. Moi, je voulais vous remercier... Catherine, pour cette initiative, c'était vraiment super d'avoir l'occasion de se relier comme ça, parce que ben voilà, on a notre moyen, et profitons-en, utilisons-le, et ça fait du bien, même si c'est pas bien qu'en physique, en tout cas, c'était vraiment super, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur, donc merci encore, et puis merci pour vous tous et toutes d'être là, quoi. Voilà, d'avoir été là. Mais c'est des entraînements pour se voir en réel, c'est ce qu'il faut se dire. Françoise, elle traversera la frontière et puis d'autres viendront et on se verra en réel. l'espoir n'est pas bon, mais l'espérance est nécessaire. Oui, c'est vrai. Ouais. L'espoir est vain. Voilà, l'espoir est vain, mais l'espérance est nécessaire. Voilà. Bon, ben écoutez, là, je pense que je vais clore la soirée, notre petite soirée Agora. Et puis la prochaine, ben, elle aura probablement un thème philosophique et qui sera le mouvement et le repos sont-ils opposés ou plutôt complémentaires? Qu'est-ce que vous pensez du prochain sujet? Ça a relevé? Attends voir. Oui, vas-y. C'est relevé, je trouve. Oui. Il doit y avoir beaucoup de choses à dire, pour l'un comme pour l'autre. Oui, voilà. Le mouvement et le repos, sont-ils antinomiques ou sont-ils complémentaires? Le mouvement et le repos. Bon, on va plancher dessus. Est-ce que le mouvement spirituel? Ah! Le mouvement surréaliste. Ah, moi je suis pour l'ouverture, donc c'est pour ça que je mets des petites questions au départ pour que ça ouvre. Oui, Sylvie. Oui, tu dis le prochain thème, mais juste comme ça, vu le nez, tu penses quoi? Sous quinzaine, sous un mois, sous deux mois? Non. Je... autour du 24 mai. Hein? 21 mai, parce qu'encore qu'on ait droit à quelque chose, on peut se faire quand même, quelque chose, on verra. En tout cas, c'est dans un bon mois, quoi, super. Dans un mois, oui. Je pense qu'une fois par mois, c'est bien. Ouais. Et puis, à vous de me présenter d'autres personnes qui voudraient faire des expos peinture ou des expos photos ou de la musique, et que vous veniez toujours... On rajoutera des musiciens, peut-être que là, on augmentera le temps, je ne sais pas, on verra. On verra d'autres photos de tableau, Catherine. Pardon? Je renverrai d'autres photos de tableau. D'accord. Oui, parce que l'association Ralentir pour Vivre fait des expos virtuelles pour ceux qui le désirent, un peu comme une carte de visite, voilà. Et des vidéoclips. Christophe est aussi peintre. Mais on verra ça une autre fois. Oui. Ah oui, bah oui, Christophe. Oui. Et Jean-Claude, tu voulais dire quoi? Oh, je voulais dire une connerie. Tu disais un mois de délai, c'est bien parce que ça nous laisse du temps pour le mouvement et pour le repos. Ça n'est pas une... Excellent. Tout est dans l'équilibre, alors. C'est ça. Bon, ben, va falloir se quitter, hein. Oui. Ouais. On est tous là à se dire, oh, on continuerait bien encore un peu, quand même. Bon, au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Salut, salut. Soleil dans le cœur. Bye bye. Bye bye, merci. Bye. Bye.